Et ouais, je me démène. Entre vice et vertu, je me cherche en sachant que mener une vie c'est vertu. Entre vice et vertu, le bitume et la verdure, les trois décès d'ouverture. On passe nos vies à se poser des questions, peser le pour et le contre, mais souvent on se gourde de réponses, ouais. Ce qui nous semble bon ne l'est pas forcément. Le reflet du mal pris, facile de foncer dedans. La vie c'est deux chemins, le mauvais et le bon. Quand je repense au passé, c'est vrai que j'ai trop fait le con. Mais j'ai pas 70 ans, j'ai toujours de l'espoir. J'ai toujours le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Entre vice et vertu, la pollution et l'air pur, le bien-être et l'amertume, faut faire un choix qui perdure. Repenti, on peut toujours changer de peur. Sur le vice, on devrait poser un panneau. Nos dangers demeurent. Chaque jour je me démène, j'esquive les délits. Mal à l'aise dans mes TN comme un caillou dans mes tennis. Le vice me poursuit, sa tentation me guette. Mais je persiste et fais tout pour pas que le chétan me quête. Et ouais, je me démène. Entre vice et vertu, je me cherche en sachant que mener une vie c'est vertu. Quand le mal nous attire, c'est dur de résister. Seule solution, relever la tête et sans cesse persister. Et ouais, je me démène. Entre vice et vertu, je me cherche en sachant que mener une vie c'est vertu. Entre vice et vertu, le bitume et la verdure, les trois T c'est l'ouverture, rester droit c'est hyper dur. Si le bon chemin existe, j'en ai marre de l'offenser. Seulement, dois-je incarner le rôle du parfait français? C'est non, la bonté se cache-t-elle dans le code pénal, dans la Bible ou simplement dans nos cœurs et nos mentales? Chacun ses réponses, seul ton cœur peut te guider. C'est à chacun d'entreprendre sa quête de vérité. Où se cache le mal, ça c'est idem, dur de le cerner. Il est partout et même créé par le système. La dépendance aux substances, la malbouffe, la violence. On est tous dans la danse du mal influence qui nous guette et trop pesante. On étouffe nos consciences, sont malmenés par cette vie dénuée de tout sens. Je me démène sans vraiment posséder de certitude. J'essaye de faire le bien et faire preuve de servitude. Mais je suis comme tous un putain d'humain qui souffre. Quand mon cœur saigne, ma bonté part dans un gouffre. Et ouais, je me démène. Entre vice et vertu, je me cherche en sachant que mener une vie c'est vertu. Quand le mal nous attire, c'est dur de résister. Seule solution, relever la tête et sans cesse persister. Et ouais, je me démène. Entre vice et vertu, je me cherche en sachant que mener une vie c'est vertu. Entre vice et vertu, le bitume et la verdure, les trois T c'est l'ouverture, rester droit c'est hyper dur. Et ouais, je me démène. Entre vice et vertu, je me cherche en sachant que mener une vie c'est vertu. Entre vice et vertu, le bitume et la verdure, les trois T c'est l'ouverture.